Chapitre 77e, l'apologue. Dans ce petit cabinet de Lucienne, où nous avons vu le vicomte Jean du Barry absorber, au grand déplaisir de la comtesse, une si grande quantité de chocolat, monsieur le maréchal de Richelieu faisait collation avec madame du Barry, laquelle, tout en tirant les oreilles de Zamore, s'étendait de plus en plus longuement et nonchalamment sur un sofa de satin broché de fleurs, tandis que le vieux courtisan poussait des hélas d'admiration à chaque pose nouvelle de la séduisante créature. « Oh, comtesse, » disait-il en mine de dents, comme une vieille femme, « vous allez vous décoiffer. Comtesse, voilà un accroche-cœur qui se déroule. Ah, votre mule tombe, comtesse. »« Bon, mon cher duc, ne faites pas attention, » dit-elle en arrachant avec distraction une pincée de cheveux à Zamore et en se couchant tout à fait, plus voluptueuse et plus belle sur son sofa que Vénus sur sa conque marine. Zamore, peu sensible à toutes ces poses, rugit de colère. La comtesse le calma en prenant sur la table une poignée de dragées qu'elle introduisit dans ses poches. Mais Zamore, en faisant la moue, retourna sa poche et vida ses dragées sur le parquet. « Ah, petit drôle !» continua la comtesse en allongeant une jambe fine, dont l'extrémité allait se mettre en contact avec les choses fantastiques du négrillon. « Oh, grâce !» s'écria le vieux maréchal. « Faut un gentilhomme, vous le tuerez !» « Que ne puis-je tuer aujourd'hui tout ce qui me déplaît ?» dit la comtesse. « Je me sens impitoyable. »« Ah ça, mais, » dit le duc, « je vous déplais donc, moi ?»« Oh non, pas vous, au contraire. Vous êtes mon vieil ami, et je vous adore. Mais c'est qu'en vérité, voyez-vous, je suis folle. »« C'est donc une maladie que vous ont donné ceux que vous rendez fous. Prenez garde. Vous m'agacez horriblement avec vos galanteries dont vous ne pensez pas un mot. »« Comtesse, comtesse !»« Je commence à croire non pas que vous êtes folle, mais ingrate. » « Non, je ne suis ni folle ni ingrate, je suis... »« Eh bien, voyons, qu'êtes-vous ? Je suis colère, monsieur le duc. »« Ah, vraiment, cela vous étonne ?»« Pas le moindrement, comtesse, et sur mon honneur, il y a bien de quoi. »« Tenez, voilà ce qui me révolte en vous, maréchal. »« Il y a quelque chose qui vous révolte en moi, comtesse. »« Oui. »« Et quelle est cette chose, s'il vous plaît ?»« Je suis bien vieux et, cependant, il n'y a pas d'effort que je ne fasse pour vous plaire. » Cette chose, c'est que vous ne savez pas seulement ce dont il s'agit, maréchal. Oh, que si fait ! Vous savez ce qui me crispe ? Sans doute, Zamore a cassé la fontaine chinoise. Un sourire imperceptible effleura les lèvres de la jeune femme. Mais Zamore, qui se sentait coupable, baissa la tête avec humilité, comme si le ciel eût été gros d'un nuage de soufflet et de chiquenaude. Oui, dit la comtesse avec un soupir. Oui, duc, vous avez raison, c'est cela. Et vous êtes en vérité un très fin politique. On me l'a toujours dit, madame, répondit monsieur de Richelieu d'un air tout confit de modestie. Oh, je n'ai pas besoin qu'on me le dise pour le voir, duc. Et vous avez trouvé la raison à mon ennui, comme cela tout de suite, sans chercher ni à droite ni à gauche. C'est superbe. Parfaitement. Mais cependant, ce n'est pas tout. Ah, vraiment? Non, je devine encore autre chose. Vraiment, oui. Et que devinez-vous? Je devine que vous attendiez hier au soir Sa Majesté. Où cela ? Ici. Eh bien, après ? Et que Sa Majesté n'est pas venue. La comtesse rougit et se releva un peu sur le coude. Ah ! Fit-elle. Et cependant, dit le duc, j'arrive de Paris. Qu'est-ce que cela prouve ? Que je pourrais ne rien savoir de ce qui s'est passé à Versailles, pardieu, et cependant, duc, mon cher duc, vous êtes plein de réticences aujourd'hui. Que diable ! Quand on a commencé, on achève, ou bien on ne commence pas. « Vous en parlez fort à votre aise, comtesse. Laissez-moi reprendre à l'aide, au moins. Où en étais-je ? Vous en étiez à... cependant. »« Ah oui, c'est vrai. Et cependant, non seulement je sais que Sa Majesté n'est pas venue, mais encore je devine pourquoi elle n'est pas venue. »« Duc, j'ai toujours pensé par moi que vous étiez sorcier. Seulement il me manquait une preuve. »« Eh bien, cette preuve, je vais vous la donner. » La comtesse, qui attachait à la conversation beaucoup plus d'intérêt qu'elle ne voulait paraître en attachée, abandonna la tête de Zamore, dont ses doigts blancs et fins fourrageaient la chevelure. « Donnez, duc, donnez, » dit-elle. « Devant monsieur le gouverneur, » dit le duc. « Disparaissez, Zamore, » fit la comtesse au négrillon, qui, fou de joie, s'élança d'un seul bond du boudoir à l'antichambre. « À la bonne heure, » murmura Richelieu. « Mais il faut donc tout vous dire, comtesse. »« Comment, ce singe de Zamore vous gênait, duc ?»« Pour dire la vérité, comtesse, quelqu'un me gêne toujours. » « Oui, quelqu'un, je comprends. Mais Zamore est-il quelqu'un ? Zamore n'est pas aveugle. Zamore n'est pas sourd. Zamore n'est pas muet. C'est donc quelqu'un. Or je décore de ce nom quiconque est mon égal en yeux, en oreilles et en langue. C'est-à-dire quiconque peut voir ce que je fais, entendre ou répéter ce que je dis, enfin quiconque peut me trahir. Cette théorie posée, je continue. Oui, continuez, duc, vous me ferez plaisir. Plaisir, je ne crois pas, comtesse. N'importe, je dois continuer. Le roi visitait donc hier Trianon. Le petit ou le grand? Le petit. Madame la dauphine était à son bras, hein? Et madame la dauphine, qui est charmante, comme vous savez, hélas, lui faisait tant de cajoleries, de petit papa par-ci, de grand papa par-là, que sa majesté, dont le cœur est d'or, n'y put résister, de sorte que le souper a suivi la promenade, que les jeux innocents ont suivi le souper. Enfin, dit madame du Barry, pâle d'impatience, enfin le roi n'est pas venu à Lucienne, n'est-ce pas? Voilà ce que vous voulez dire. Eh bien, mon Dieu, oui. C'est tout simple. Sa majesté avait là-bas tout ce qu'elle aime. Ah, non point. Et vous êtes loin de penser un seul mot de ce que vous dites. Tout ce qui lui plaît, tout au plus. C'est bien pire, duc, prenez garde. Souper, causer, jouer, c'est tout ce qu'il lui faut. Et avec qui a-t-il joué? Avec monsieur de Choiseul. La comtesse fit un mouvement d'irritation. Voulez-vous que nous n'en parlions pas, comtesse? Reprit Richelieu. Au contraire, monsieur, parlons-en. Vous êtes aussi courageuse que spirituelle, madame. Attaquons donc le taureau par les cornes, comme disent les Espagnols. Voilà un proverbe que madame de Choiseul ne vous pardonnerait pas, duc. Il ne lui est pas applicable, cependant. Je disais donc, madame, que monsieur de Choiseul, puisqu'il faut l'appeler par son nom, tint les cartes avec tant de bonheur, tant d'adresse, qu'il gagna, non pas, qu'il perdit, et que sa majesté gagna 1000 louis au piquet. Jeu où sa majesté a beaucoup d'amour-propre, attendu qu'elle le joue fort mal. Oh, le Choiseul, le Choiseul, murmura madame du Barry. Et madame de Gramont, elle en était, n'est-ce pas? C'est-à-dire, comtesse, qu'elle était sur son départ, la duchesse. Oui, elle a fait une sottise, je crois. Laquelle? Voyant qu'on ne la persécute pas, elle boude. Voyant qu'on ne l'exile pas, elle s'exile elle-même. Où cela? En province. Elle va intriguer. Parbleu, que voulez-vous qu'elle fasse? Donc, étant sur son départ, elle a tout naturellement voulu saluer la dauphine, qui naturellement l'aime beaucoup. Voilà pourquoi elle était à Trianon. Au grand, sans doute. Le petit n'est pas encore meublé. Ah, madame la dauphine, en s'entourant de tous ses Choiseul, montre bien quelle partie elle veut embrasser. Non, comtesse, n'exagérons pas, car enfin, demain la duchesse sera partie. Et le roi s'est amusé là où je n'étais pas, s'écria la comtesse avec une indignation qui n'était pas exempte d'une certaine terreur. Mon Dieu, oui. C'est incroyable, mais cependant cela est ainsi, comtesse. Voyons, qu'en concluez-vous? Que vous êtes bien informé, duc. Et voilà tout? Non pas. Achevez. J'en conclus encore que, de gré ou de force, il faut tirer le roi des griffes de ses Choiseul, où nous sommes perdus. Hélas. Pardon, reprit la comtesse. Je dis nous, mais tranquillisez-vous, duc, cela ne s'applique qu'à la famille. Et aux amis, comtesse. Permettez-moi donc à ce titre d'en prendre ma part. Ainsi donc, vous êtes de mes amis? Je croyais vous l'avoir dit, madame. Ce n'est point assez. Je croyais vous l'avoir prouvé. C'est mieux. Et vous m'aiderez? De tout mon pouvoir, comtesse, mais... Mais quoi? L'œuvre est difficile, je ne vous le cache point. Sont-ils donc indéracinables, ces Choiseul? Ils sont vigoureusement plantés, du moins. Vous croyez-vous? Je le crois. Ainsi, quoi qu'en dise le bonhomme La Fontaine, il n'y a contre ce chêne ni vent ni orage. C'est un grand génie que ce ministre. Bon, voilà que vous parlez comme les encyclopédistes, vous. Ne suis-je pas de l'Académie? Oh, vous en êtes si peu, duc. C'est vrai, et vous avez raison. C'est mon secrétaire qui en est, et non pas moi. Mais je n'en persiste pas moins dans mon opinion. Que monsieur de Choiseul est un génie? Eh oui. Mais en quoi éclate-t-il donc ce grand génie, voyons? En ceci, madame, qu'il a fait une telle affaire des parlements et des Anglais que le roi ne peut plus se passer de lui. Les parlements, mais il les excite contre sa majesté, sans doute, et voilà l'habileté. Les Anglais, il les pousse à la guerre. Justement, la paix le perdrait. Ce n'est pas du génie, cela, duc. Qu'est-ce donc, comtesse? C'est de la haute trahison. Quand la haute trahison réussit, comtesse, c'est du génie. Ce me semble, et du meilleur. Mais à ce compte, duc, je connais quelqu'un qui est aussi habile que monsieur de Choiseul. Bon, à l'endroit des parlements, du moins. C'est la principale affaire. Car ce quelqu'un est cause de la révolte des parlements. Vous m'intriguez, comtesse. Vous ne le connaissez pas, duc. Non, ma foi, il est pourtant de votre famille. J'aurai un homme de génie dans ma famille. Voudrez-vous parler du cardinal duc mon oncle, madame ? Non. Je veux parler du duc d'Aiguillon, votre neveu. Ah, monsieur d'Aiguillon, c'est vrai. Lui qui a donné le branle à l'affaire La Chalotais. Ma foi, c'est un joli garçon, oui, oui, en vérité. Il a fait là une rude besogne. Tenez, comtesse. Voilà, sur mon honneur, un homme qu'une femme d'esprit devrait s'attacher. Comprenez-vous, duc, fit la comtesse, que je ne connaisse pas votre neveu ? En vérité, madame, vous ne le connaissez pas. Non, jamais je ne l'ai vu. Pauvre garçon. En effet, depuis votre avènement, il a toujours vécu au fond de la Bretagne. Gare à lui, quand il vous verra, il n'est plus habitué au soleil. Comment fait-il au milieu de toutes ces robes noires, un homme d'esprit et de race comme lui ? Il les révolutionne, ne pouvant faire mieux. Vous comprenez, comtesse ? Chacun prend son plaisir où il le trouve. Et il n'y a pas grand plaisir en Bretagne. Ah, voilà un homme actif. Peste. Quelle serviteur le roi aurait s'il voulait ? Ce n'est pas avec lui que les parlements garderaient leur insolence. Ah, il est vraiment Richelieu, comtesse. Aussi, permettez... Quoi ? Que je vous le présente à son premier déboté ? Doit-il donc venir de sitôt à Paris ? Eh, madame, qui sait ? Peut-être n'a-t-il encore pour un lustre à rester dans sa Bretagne, comme dit ce coquin de Voltaire. Peut-être est-il en route, peut-être est-il à 200 lieues, peut-être est-il à la barrière. Et le maréchal étudia sur le visage de la jeune femme l'effet des dernières paroles qu'il avait dites. Mais après avoir rêvé un moment, revenons au point où nous étions. Où vous voudrez, comtesse. Où en étions-nous ? Au moment où Sa Majesté se plaît si fort à Trianon dans la compagnie de Monsieur de Choiseul. Et où nous parlions de renvoyer ce Choiseul, duc. C'est-à-dire où vous parliez de le renvoyer, comtesse. Comment ? Dit la favorite. J'ai si grande envie qu'il parte, que je risque à mourir s'il ne part pas. Vous ne m'y aiderez pas un peu, mon cher duc ? Oh, oh ! Fit Richelieu en se rengorgeant. Voilà ce qu'en politique nous appelons une ouverture. Prenez comme il vous plaît, appelez comme il vous convient, mais répondez catégoriquement. Oh, que voilà un grand vilain tas d'herbes dans une si petite et si jolie bouche. Vous appelez cela répondre, duc ? Non, pas précisément. C'est ce que j'appelle préparer ma réponse. Est-elle préparée ? Attendez donc. Vous hésitez, duc ? Non pas. Eh bien, j'écoute. Que dites-vous des apologues, comtesse ? Que c'est bien vieux. Bon, le soleil aussi est vieux. Elle n'a encore rien inventé de mieux pour y voir. Va donc pour l'apologue, mais ce sera transparent, comme du cristal. Allons. M'écoutez-vous, belle dame ? J'écoute. Supposez donc, comtesse, vous savez, on suppose toujours dans les apologues. Dieu, que vous êtes ennuyeux, duc. Vous ne pensez pas un mot de ce que vous dites là, comtesse, car jamais vous n'avez écouté plus attentivement. Soit, j'ai tort. Supposez donc que vous vous promeniez dans votre beau jardin de Lucienne et que vous apercevez une prune magnifique, une de ces reines Claude que vous aimez tant parce qu'elles sont des couleurs vermeilles et purpurines qui ressemblent aux vôtres. Allez toujours, flatteur. Vous apercevez, dis-je, une de ces prunes tout au bout d'une branche, tout en haut de l'arbre. Que faites-vous, comtesse ? Je secoue l'arbre, pardieu. Oui, mais inutilement, car l'arbre est gros, indéracinable, comme vous disiez tout à l'heure. Et vous vous apercevez bientôt que, sans l'ébranler même, vous égratignez vos charmantes petites menottes à son écorce. Alors vous dites, en tournaillant la tête de cette adorable façon qui n'appartient qu'à vous et aux fleurs, « mon Dieu, que je voudrais bien voir cette prune à terre. » Et vous vous dépitez. C'est assez naturel, duc. Ce n'est certes pas moi qui vous dirai le contraire. Continuez, mon cher duc, votre apologue m'intéresse infiniment. Tout à coup, en vous retournant comme cela, vous apercevez votre ami le duc de Richelieu qui se promène en pensant. À quoi ? La belle question, pardieu, à vous. Et vous lui dites avec votre adorable voix flûtée, « Ah, duc, duc !» Très bien. Vous êtes un homme, vous êtes fort. Vous avez pris Mahon. Secouez-moi donc un peu ce diable de prunier, afin que j'aie cette satanée prune. N'est-ce pas cela, comtesse, hein ? Absolument, duc. Je disais la chose tout bas, tandis que vous la disiez tout haut. Mais que répondiez-vous ? Je répondais... Oui. Je répondais, comme vous y allez, comtesse. Je ne demande certes pas mieux, mais regardez donc, regardez, comme cet arbre est solide, comme les branches sont rugueuses. Je tiens mes mains aussi, moi, que diable ! Quoiqu'ils aient 50 ans de plus que les vôtres. Ah ! Fit tout à coup la comtesse. Bien, bien, je comprends. Alors, continue l'apologue, que me dites-vous ? Je vous dis... De votre voix flûtée ? toujours. Dites, dites. Je vous dis, mon petit maréchal, cessez de regarder indifféremment cette prune, que vous ne regardez indifféremment au reste que parce qu'elle n'est point pour vous. Désirez-la avec moi, mon cher maréchal, convoitez-la avec moi, et si vous me secouez l'arbre comme il faut, si la prune tombe, eh bien, nous la mangerons ensemble. Bravo ! Fit le duc en frappant les deux mains l'une contre l'autre. Est-ce cela ? Ma foi, comtesse, il n'y a que vous pour finir un apologue, par mes cornes, comme disait feu mon père, comme ces gars-là m'ont troussé. Vous allez donc secouer l'arbre, duc ? À deux mains, trois cœurs, comtesse. Et la prune était-elle bien une reine Claude ? On n'en est pas parfaitement sûr, comtesse. Qu'est-ce donc ? Il me paraît bien plutôt que c'était un portefeuille qu'il y avait au haut de cet arbre. À nous deux, le portefeuille, alors ? Oh non, à moi tout seul. Ne m'enviez pas ce maroquin-là, comtesse. Il tombera tant de belles choses avec lui de l'arbre, quand je l'aurai secoué, que vous aurez du choix à n'en savoir que faire. Eh bien, maréchal, est-ce une affaire entendue ? J'aurai la place de monsieur le Choiseul, si le roi le veut. Le roi ne veut-il pas tout ce que vous voulez ? Vous voyez bien que non, puisqu'il ne veut pas renvoyer son Choiseul. Oh, j'espère que le roi voudra bien se rappeler son ancien compagnon, d'armes. Oui, d'armes. Les plus rudes dangers ne sont pas toujours à la guerre, comtesse. Et vous ne me demandez rien pour le duc d'Aiguillon ? Ma foi, non. Le drôle saura bien le demander lui-même. D'ailleurs, vous serez là, maintenant, à mon tour. À votre tour de quoi faire ? À mon tour de demander. C'est juste. Que me donnerez-vous ? Ce que vous voudrez. Je veux tout. C'est raisonnable. Et je l'aurai ? Belle question, mais serez-vous satisfaite, au moins, et ne demanderez-vous que cela ? Que cela et quelque chose encore avec. Dites, vous connaissez monsieur le Tavernet ? C'est un ami de 40 ans. Il a un fils et une fille. Précisément. Après, c'est tout. Comment c'est tout ? Oui, ce quelque chose qui me reste à vous demander, je vous le demanderai en temps et lieu. À merveille. Nous nous sommes entendus, duc. Oui, comtesse. C'est signé. Bien mieux, c'est juré. Renversez-moi mon arbre, alors. J'ai des moyens. Lesquels ? Mon neveu. Après, les jésuites. Ah, tout un petit plan fort agréable que j'avais formé à tout hasard. Peut-on le savoir ? Hélas, comtesse. Oui, vous avez raison. Vous le savez, le secret. C'est la moitié de la réussite. J'achève votre pensée. Vous êtes adorable. Mais moi, je vais aussi secouer l'arbre de mon côté. Très bien, secouez, comtesse, cela ne peut pas faire de mal. J'ai mon moyen. Et vous le croyez bon ? Je suis payé pour cela. Lequel ? Ah, vous le verrez du coup, plutôt. Quoi ? Non, vous ne le verrez pas. Et sur ces mots, prononcés avec une finesse que cette charmante bouche seule pouvait avoir, la folle comtesse, comme si elle revenait à elle, abaissa rapidement les flots de satin de sa jupe, qui, dans l'accès diplomatique, avait opéré un mouvement de flux équivalent à celui de la mer. Le duc, qui était quelque peu marin et qui par conséquent était familiarisé avec les caprices de l'océan, rit aux éclats, baisa les mains de la comtesse et devina, lui qui devinait si bien, que son audience était finie. « Quand commencerez-vous à renverser, duc ? » demanda la comtesse. « Demain. Et vous, quand commencerez-vous à secouer ?» On entendit un grand bruit de carrosses dans la cour et presque aussitôt les cris de « Vive le roi !»« Moi, dit la comtesse en regardant par la fenêtre, moi je vais commencer tout de suite. »« Bravo. Passez par le petit escalier, duc, et attendez-moi dans la cour. Vous aurez ma réponse dans 1 heure. »